Donc là, vous distribuez un tract du printemps de la psychiatrie, non à la dictature des directeurs. C'est bien ça. Ben, au sein du printemps, on a été informés, extrêmement choqués de ce qui se passait à l'hôpital du Rouvray, où des personnes sont poursuivies pour dénoncer l'incurie totale des directeurs mauvaise gestion quand même des directeurs qu'on dénonce déjà depuis des années, mais là c'est complètement flagrant. Donc c'est vrai que les directeurs ils sont un peu seuls à la manette et ils font parfois n'importe quoi. C'est, quand vous dites les directeurs, c'est-à-dire que c'est l'application d'un principe de management qui se vérifie dans d'autres hôpitaux que celui du Rouvray ? Ah, bien sûr, dans tous les hôpitaux, c'est les directeurs qui sont... Je dis les directeurs parce qu'en fait, il y a un directeur qui est accompagné aussi d'une équipe de direction, mais c'est le directeur de chaque hôpital, c'est le chef de l'entreprise hôpital, en fait. Donc, il prend ses décisions... avec qui s'appuient sur des objectifs qui sont essentiellement économiques. Et donc, c'est pas du tout en accord avec le personnel médico-soignant. Il y a des endroits où ça se passe mieux que d'autres, mais c'est quand même... Là, ce qu'on demande actuellement, c'est quelque chose qu'on porte au niveau du printemps de la psychiatrie, mais plus largement que ça, c'est qu'il y ait un changement de la gouvernance des hôpitaux, hein, qu'il y ait une plus grande implication des personnels médicaux, non médicaux, des usagers aussi. C'est extrêmement important. Il faut qu'il y ait quelque chose qui change là. Ce n'est pas possible de baser le fonctionnement d'un hôpital uniquement sur la rentabilité économique. Et le printemps de la psychiatrie, vous pourriez expliquer ce que c'est ? Alors, c'est un collectif qui est né il y a 2 ans environ, suite au mouvement de grève très fort qu'il y a eu dans le milieu de la psychiatrie en 2018, donc, et particulièrement la grève de la faim au Rouvray. Il y a eu aussi la grève des Perchers du Havre, il y a eu une forte grève aussi à l'hôpital Pinel à Amiens et dans plein d'hôpitaux en fait. Donc c'est dans ce moment-là qu'un certain nombre de personnes se sont saisies de la situation complètement catastrophique des hôpitaux psychiatriques pour se rassembler. Je dois dire aussi, puisque moi je fais partie du syndicat de psychiatres, l'Union syndicale de la psychiatrie, que ce syndicat a fortement participé à l'agrégation de toutes ces personnes. Et alors la particularité de ce mouvement, c'est d'inclure des usagers, des familles, des professionnels, et d'essayer de réfléchir ensemble à la psychiatrie que l'on souhaite pour demain. Voilà, donc on porte des revendications de plus de moyens, mais aussi d'une autre psychiatrie plus humaine. Voilà, en ce moment, en dehors du fait qu'il y a un défaut de moyens énorme qui résulte d'années de budget alloué à la psychiatrie très faible. Il y a aussi, on lutte beaucoup contre une tendance qui gagne toute la psychiatrie et qui est très diligentée par le gouvernement, en fait, c'est une orientation vers les neurosciences. La maladie mentale serait une maladie du cerveau et il faudrait la soigner comme telle avec des médicaments et de la rééducation. Bon, nous, on pense que c'est complètement passé à côté du sujet, du sujet dans les deux sens du terme. Elle est une approche très mécaniste en fait de la. Tout à fait. Et sans soins, sans lien, sans discussion. Voilà, sans histoire, sans récit, sans. L'avantage de l'approche mécaniste du soin, en fait, c'est que ça permet de rentrer dans des grilles comptables de manière assez simple, en fait. Tout à fait, évaluable. Et après, effectivement, C'est plus facile d'allouer des budgets pour des choses qui ont été bien comptabilisées et dont on a vérifié l'efficacité, bien sûr. Naturellement, avec des indicateurs absolument neutres. Voilà. Bien sûr. Et vous vous situez du coup dans une filiation, je pense au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, où il y avait eu Lucien Bonafé notamment, je pense aussi à toute l'approche de la psychothérapie institutionnelle, La psychothérapie institutionnelle, effectivement, ouais. On se situe très nettement dans cette approche-là, avec évidemment aussi une grande place à la psychanalyse, de toute façon elles vont de pair. Hein. Voilà. Après, on est au sein du mouvement, à la limite, mais bien en deçà de ces concepts, on se positionne contre l'isolement, contre l'écotension, pour une écoute du sujet. Mais on reste quand même dans une... On n'est pas sectaire, donc on prône pas une seule approche. Hein. On veut simplement que toutes les pratiques soient possibles et qu'il n'y ait pas une hégémonie aux neurosciences. C'est ce qui est quand même en train de se passer. Et là, même la crise sanitaire, avec le fameux... jour d'après qui devrait arriver, a plutôt démontré, en tout cas dans les hôpitaux psychiatriques, même la contrôle général des lieux de privation de liberté, Adinazan, ouais, qui a dénoncé dans un hôpital psychiatrique un recours abusif à l'isolement. Mm-hmm. Et dans d'autres hôpitaux, il y a eu des recours aux médicaments aussi. Il y a eu de l'enfermement qui a été dénoncé aussi par des collectifs de personnes handicapées, un enfermement, une sorte de double enfermement supérieur à celui que pouvaient vivre les personnes à l'extérieur. Absolument. Et donc à une aggravation en fait de la psychiatrie maltraitante pendant cette période. Ah oui, tout à fait. Dans beaucoup d'hôpitaux, les directives des cellules de crise, c'était de confiner en chambre les patients pendant 14 jours après leur admission. Or, c'est insoutenable d'être confiné en chambre, et puis ça va complètement à l'encontre même du soin qu'on doit prodiguer à l'hôpital psychiatrique. Et du coup, les patients réfractaires ont été dans certains endroits, et dans beaucoup d'endroits sans doute, enfermés en chambre, à clé. Sans aucune motivation d'ordre psychiatrique, puisque la seule indication qui fait qu'on peut enfermer quelqu'un en chambre, c'est quand il y a un motif psychiatrique. Après, on peut le contester aussi, mais la situation, là, c'était un total abus. On est un peu en attente toujours, puisqu'on a pas les prises de parole ont commencé, donc on va interrompre. Merci beaucoup. Une éventuelle sanction qui aurait été.